La reine qui descend le matin pour une pomme dorée. Porcelain coquin, petit fripon. Porcelain coquin, petit cochon. Porcelain coquin, petit cochon.